Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Chronique stéréotonine en compagnie de Sophie Laforêt. Sophie, tout d'abord, bonjour. Bon matin, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Rien de moins. Rien de moins. Rien de moins. Wow, ben c'est fantastique ça, Sophie. Sophie, chronique stéréotonine, ben, tu vas nous parler comme à l'habitude de chaque mardi, principale sortie d'album. Qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine? Donc, j'ai ciblé deux sorties. Donc, tout d'abord, de la formation Stereophonics avec l'album Keep Calm and Carry On. Mm-hmm. Puis sinon, un groupe que je ne connais pas du tout, mais j'étais là à entendre leur MySpace, puis ça sonnait bien à la première écoute. C'est la formation Them Crooked Vultures et l'album est éponyme. Je pense que c'est leur premier album. Très bien. Puis donc, sinon, en fait, ça, c'est les deux nouvelles sorties. Sinon, il y a beaucoup de rééditions. OK. Donc, ou des albums live, Paul McCartney, Good Evening, New York City. Puis j'ai vu qu'Alain Lefebvre allait en parler à son émission de vendredi. OK, à Rock Classique, oui. Ouais, exactement. Sinon, David Bowie, un album 40e anniversaire de Space Oddity, la fameuse pièce. Ah oui? Très connue. Sinon, The Doors, puis Tom Petty and the Heartbreakers, aussi avec des albums live. Des gros noms. Des gros noms. Mais des rééditions. Ouais, ou des albums live. Ou des albums live. Oui. OK, donc, c'est ce qui marque les sorties, les nouveautés musicales de la semaine. Et tu poursuis ta rétrospective des meilleurs albums de l'année, donc des albums parus en 2009. Et tu nous parles ce matin des Yeah Yeah Yeahs. Oui, je vous parle de leur troisième album qui est paru le 31 mars dernier, donc 31 mars 2009. Mm-hmm. Et donc, c'est le troisième album de cette formation qui s'appelle It's Blitz. Et on va aller entendre une pièce et après, je vous en parlerai davantage. La pièce qu'on va entendre s'appelle Doll Life, donc de cet album. On écoute ça immédiatement. Lie beneath is calling you. We see the light. Yes. Sophie, ça s'intitule comment cette pièce-là? Doll Life. Doll Life. Ouais, doll ben, comme D-U-L-L. Ben, c'est loin d'être doll. C'est loin d'être doll. Non, c'est très bon. Mais je suis contente que ça te plaise parce que, comme on le mentionne, c'est la rétrospective des meilleurs albums de l'année. Donc, pour ceux qui me connaissent un peu ou qui écoutent mon émission quotidienne, pas quotidienne, mais hebdomadaire. Chérie, m'écoutes-tu? Chérie, m'écoutes-tu? Les gens savent que je suis assez fan de cette formation. Donc, ouais. Formation que j'aime bien pour différentes raisons. Je trouve que Reno, qui est la chanteuse de ce groupe-là, déborde vraiment d'énergie, là, que ce soit sur l'album ou en spectacle. J'ai eu la chance de les voir cet été au Festival Oshiaga. Okay. Ils ont été d'ailleurs deux fois au Québec cet été. Ils ont été au Festival de Québec, ensuite ouais. à Oshiaga. Okay. Donc, ils ont eu une belle visibilité ici l'été dernier. Puis sinon, en fait, bon, c'est sûr que c'est un style qui déménage. Là. C'est pas tranquille, les yeyeyes. Donc, ça brasse pas mal. Mais sinon, il essaie tout le temps d'ajouter des sonorités, des fois dans les pièces qui sont plus funk, plus pop, rock, électro. Même, il y a une pièce, là, entre autres, sur cet album-là, qui a des sonorités même qui, moi, m'ont semblé être un peu du disco. Mais bon, c'était subtil quand même, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'il joue un peu avec... Il y a plusieurs influences, puis c'est bien comme ça. Oui, c'est ça. En autant que, tu sais, c'est bien livré, le produit final est bien. Oui, puis Kereno, ça charge bien de nous livrer ça par son énergie, justement. Puis les deux membres du groupe et aussi qui sont avec elle depuis les débuts. Donc, je pense que c'est une formation qui est active depuis début des années 2000, si je ne me trompe pas, là, peut-être 2001, 2002. Okay. Donc, troisième album. Et il y a eu des collaborations, notamment le producteur Nick Loney, qui a travaillé entre autres avec Arcade Fire, Talking Heads, Nick Cave, donc avec des grands noms de la musique. Mm-hmm. Et sinon, aussi le guitariste de la formation TV on the Radio, donc qui est une formation dans le monde musical indie bien connue aussi. Puis sinon, ce qui est appréciable de cet album-là, c'est que pour la première fois, donc l'album que j'ai, moi, c'était une édition semi-de-luxe. Pourtant, je ne l'ai pas payé plus cher que 10$. Hein. Souvent, les albums des Yeyes sont un peu coûteux. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont une bonne entente avec ben, tant mieux. Leur distributeur ou autre, là, maison de disques. Donc, l'album a 10 pièces. Oui. Puis en bonnie, on a 4 pièces qui sont reprises de façon acoustique. Puis ça, c'est intéressant parce que on voit le potentiel de Kereno qui peut très bien aussi se prêter à de la musique plus tranquille, justement, plus okay. acoustique, voix. Puis d'ailleurs... Oui, Sophie, je t'interromps. Non, vas-y. Question comme ça, tu l'as peut-être mentionné, puis c'est peut-être mon inattention, mais la formation est originaire d'où? De New York. De New York. Ouais, non, je l'avais pas mentionné, formation okay. de New York. OK. Puis donc, ce que je voulais dire, c'est que Kereno, justement, a fait des pièces acoustiques sur cet album-là, puis on en a entendu parler aussi, j'en ai parlé dans l'émission, quand j'ai parlé du film Where the Wild Things Are. Mm-hmm. C'est elle, donc, qui assurait aussi la trame sonore de ce film-là, qui était justement parsemée de pièces plus acoustiques et plus rock. Là. Donc, c'était un beau mélange, puis je pense qu'on voit le potentiel de cette grande dame de la musique, Kereno. OK, on va avoir l'honneur et le privilège d'entendre une dernière pièce dans pas long. Oui, oui okay. Donc la pièce qu'on va entendre s'appelle Soft Shock. Donc la pièce est en version acoustique, celle qu'on va entendre, mais elle est en version originale aussi. C'était pour vous donner justement une idée du potentiel que Kereno peut avoir donc en version acoustique. Soft Shock de l'album It's Blitz des Yeyeyes avec une note de 4.5 sur 5. Sophie, tu m'intrigues toujours avec la fameuse cote. Ah oui? Ouais, j'étais un gars à cote, moi. Ah ouais. Non, mais c'est, sérieusement, c'est toujours intéressant. C'est pour les gens qui ont qui connaissent pas la formation, en l'occurrence, c'est Yeah Yeah Yeahs. Et ben, c'est toujours bien aléatoire là, tu sais, de donner une cote sur 5, une note sur 5. Mais ça peut donner un bon aperçu de l'appréciation que tu as de cet album là, des Yeah Yeah Yeahs. Sur 5, tu leur attribues combien, Sophie? 4.5. Donc, mais c'est sûr que c'est là, on fait une rétrospective des meilleurs albums. Fait que là, tu sais, je trouve ça. Elle serait difficile de présenter un 2, là. Un 2, puis ça serait difficile aussi de donner 5 sur 5. Là. Je pense qu'il n'y a aucun album qui est parfait, là, au sens où ça peut pas plaire à tout le monde. Mais, tu sais, 4.5, ça vous dit dans le fond que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà. As-tu autre chose à ajouter, ma chère? Non, sinon que demain, je viens vous parler du festival M pour Montréal. M pour Montréal? Puis, te précédera Carré aux dates. Eh oui, Simon Fitzbé. Simon Fitzbé, absolument. On mentionnera pas que tu es un petit peu derrière le titre des éphémérides de la chronique de Simon Fitzbé. Je donne un petit coup de main. Oh, oui, ben, c'est apprécié. Donc, Simon a peut-être indiqué à nos auditeurs, la semaine dernière, qui était avec nous à compter de 8h, 8h05, on va diviser un petit peu la chronique éphéméride en deux, parce que Simon, c'est quelqu'un de très rigoureux, puis oui, il y a énormément de trucs à nous dévoiler. Donc, Simon qui débutera sa chronique aux alentours de moins 10, hein, 7h50, on fera une petite pause aux alentours de 8h, on poursuivra entre 8h05 et 8h15. À compter de 8h15, ben on aura l'honneur et le privilège, comme à l'habitude, de t'accueillir, Sophie. Oui, dans un studio, ma foi, bien rempli. C'était appréciable la semaine dernière. C'est super agréable. Ouais. Discussion en bâton rompu. J'adore. Donc, on ne se prendra pas pour Radio-Canada, mais on vous offre un produit radiophonique fort intéressant et fort diversifié ici à C'est fou 89.1 FM. Tu nous rappelles, Sophie, en terminant, le titre de cette pièce qu'on va entendre à l'instant? La pièce Soft Shock. OK. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Excellente journée. On écoute ça immédiatement, la pilule du lendemain. Forever. Still, it's a sharp shock to your soft side. Summer moon, catch your shut eye in your room. In my room. In lips speak louder, better, back together. Still, it's a sharp shock to your soft side. Summer.